donc un peu les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici dans l'émission Johnny de A à Z, le lundi, le mercredi ou le vendredi à partir de 17h pendant cette période de confinement. Alors j'espère que tout va bien chez vous, hein, que vous portez bien également. Nous voici pour une nouvelle émission hors série, un numéro 6. Et aujourd'hui, je vous propose de suivre une spéciale Musicorama. Qu'est-ce que le Musicorama ? Musicorama est le nom d'un spectacle musical présenté le plus souvent à l'Olympia de Paris entre 1957 et 1974, qui a été organisé et diffusé par Europe 1. Il accueille des grands noms de la chanson française et de nombreux représentants des variétés internationales. Le tour de chant est retransmis par Europe 1, soit en direct, soit en différé, en partie ou dans son intégralité. Musicorama est également diffusé depuis le grand podium d'Europe 1 sur le Tour de France et Johnny s'y produira également dans un concert resté célèbre, Place à la Nation, à Paris, le 22 juin 1963. On ira pendant cette petite heure. Et la programmation musicale est d'abord assurée par Bruno Concatrix, qui est parti en 1967, car Johnny avait fait Musicorama, mais non pas à l'Olympia, mais au Palais des Sports. Il y a aussi Lucien Maurice, Pierre Delanoë, directeur des programmes de 1955 donc à 1960, puis par Jean-Michel Boris et Christian Brunet. Et ces Musicorama ont été présentés par Robert Dercy. Et en 1996, Jean-Claude Brialy revisitera les Musicorama sur Europe 1. Et on va avoir pendant cette heure-ci quelques extraits de ces concerts-là. Évidemment, on les attend, hein, on les attend ces concerts-là officiellement, car Universal a signé un accord avec Europe 1 pour commercialiser toutes les archives d'Europe 1, du moins quelques concerts de Johnny Hallyday. Ben, on attend d'avoir la liste. Hein. Il y a plein de concerts, comme du genre donc, Place à la Nation, concert de Fréjus en 66, Charleroi en 66 aussi, Saint-Raphaël en 68, le Musicorama du Palais des Sports, on va l'avoir, hein, on va l'avoir. Le Port Bacarès 69, on va l'avoir également, super. Le Port Bacarès 1970, ah ça c'est une bonne... C'est une bonne idée, puis donc ce serait bien qu'on l'ait pour le livre-disque Vie, hein, de Johnny Hallyday. On a aussi Cambrai, hein, Cambrai en septembre 70, Palavas-les-Flots en 71, Lyon en 73, Cambrai en 73, Palais des Sports en 76, le Martins de 1978, c'était l'émission basket, Béziers en 1978, et puis évidemment, la liste est non exhaustive. Êtes-vous prêts pour écouter quelques extraits pendant un peu plus d'une heure sur l'antenne de Johnny de A à Z, ici, à la maison, confiné à la maison. Hein, vous êtes prêts? Eh bien, on est parti tout de suite. On va retrouver Johnny Hallyday en avant-première à l'Olympia pour les Parisiennes. C'était le 16 janvier 1962. Bonne écoute sur l'antenne de Johnny de A à Z. Rien que nous deux. Parce que fous de désir, on tire les rideaux sans les rameaux. Un seul mot. Le silence pour seul témoin. Mon amour, on est si bien. Oui, on est si bien, jusqu'au petit matin, que l'on ne demande plus rien. Elle, quand on s'embrasse comme ça. Elle, quand on se regarde comme ça. Elle, quand on s'enlace comme ça. Elle, quand on caresse comme ça. La joie fait rage dans nos cœurs, l'amour brûle les heures, on le tire de bonheur. La pluie peut bien frapper nos carreaux dans un abri d'enfer. Quand on s'enlace comme ça, quand on s'arrête comme ça. La

mon ami. Être mon ami. Johnny à l'instant, la place de la nation, c'était l'occasion du premier anniversaire du magazine Salut les copains. Johnny fait sa rentrée parisienne en 1964 à l'Olympia. Évidemment, Europe 1 a pris l'occasion d'enregistrer ce concert-là que nous avons eu dans le coffret en décembre dernier. Voici Tu n'as rien de tout ça. Vous écoutez l'émission Johnny de A à Z, ici à la maison, confiné, hors série, spéciale Musicorama aujourd'hui. Johnny a départ à l'armée et puis il revient. Monocéphale, une tête d'affiche, la vedette de la semaine, Johnny Hallyday.

mon meilleur ami. Mais non, je ne peux croire ça. Je demandais qu'elle m'aime un peu, mais c'était beaucoup. Leurs lèvres qui se cherchent, ça me ferait trop mal. Et ces mots qu'elle écrit, ça me ferait trop mal. Ton amour, mon amour, mon amour, mon Émission de Johnny 2 à Z spéciale Musicorama, nous sommes en 1965 à l'Olympia plus exactement. On retrouve ce concert là, Olympia 65 et l'Olympia 1906 dans ce petit disque-là, voilà, celui-ci, et aussi en même temps dans le coffret Olympia 61 2000. On est en 1966 à l'Olympia à nouveau. Un seul titre, Génération perdue. Qui ne peut pas et ne veut pas comprendre. Il voudrait te voir derrière son établi. Un marteau en main toute ta vie. Samedi soir, la sortie est obligatoire et s'arrête au cinéma. Et dans les froids moments de l'incendie,

Francisco. Oh, j'y verrai des gens que j'aime bien. Tous les hippies de San Francisco vous donneront tout ce qu'ils ont pour rien. Si vous allez à San Francisco, vous verrez des gens doux et gentils. Le long terri de San Francisco, parlez de fleurs. Dans ce monde en fusion, il y a trop d'explosions pour la destruction. Tout comme vous direz non à la haine, aux passions, on est tous frères sur cette terre. Nous avons quitté évidemment Grenoble, hein, le site des Jeux Olympiques d'hiver 1968, pour arriver donc maintenant à l'inauguration du port de Saint-Raphaël. Trois titres donc, San Francisco, Petite Fille et Mon Fils. Bien prévenu aujourd'hui, ton amour est-il revenu? À Petite Fille, ce garçon j'ai trouvé l'amour pour y croire. À Petite Fille, tu me cries ton amour aujourd'hui. Tu me cries trop tard au début. Tu tends les mains vers moi de tes espoirs. Chacun fait de la peine à voir. J'ai tout fait. 28 juillet 1968. Oui, c'est Boris, c'est Saint-Raphaël, le 28 juillet 1968. Merci Jean-Claude. Je voulais vous le dire, mais il l'a dit avant moi. Tout va bien ici sur Johnny de Hazard. Et fossoyeur, cet homme n'était pas un lâche. Il est mort pour sauver son honneur. Mon fils, tu peux pas comprendre. Si cet homme a dû prendre son fusil. Se défendre, et c'est lui qu'on enterre aujourd'hui. Mais les hommes venus du nord, mais les hommes qui volent et qui pillent, un sentier, sa maison, on a vengé la moisson. Et ces hommes, et ces hommes, pour ton cœur. Fils, tu vois, cette femme peut être fière de lui dans son malheur. Termine en larmes, on enterre la moitié de son cœur. Mon fils, tu vois, ce couronne, tu prouves qu'il n'était pas seul dans la vie. Écoute, la cloche qui sonne. Son ami, mais les hommes venus du nord, mais les hommes de sang et de haine, par une nuit tranquille, ont traversé la ville, ils prirent son domaine et ses hommes. Écoutez Johnny de A à Z ici à la maison comme il faut. Confino, merci Johnny, merci à toi. Dernier titre de Saint-Raphaël, je peux te graver dans ma vie. J'étais tout seul, je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter. Je l'ai subi, il a fallu que je te trouve là. Je le mange, je suis tombé. Et comme ça, je suis resté à chaque instant de ma pauvre vie. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, j'étais seulement. Tu ne pars pas, tu restes ici. Je veux seulement t'aimer très fort. partir, je vais courir, et quand tu viens, je veux rester. Là, je suis sincère, je veux mourir, si tu ne veux pas croire que tu sais. Et j'espère que tu y vas, nous serons ensemble chaque jour. Le prochain concert a fait déjà l'objet d'une émission, d'une précédente émission ici. L'émission Johnny de A à Z. Non, c'est comme ça. C'était à Port-Bacarès en août 1969 et ce concert, nous l'aurons enfin. Nous l'aurons enfin le 31 mai entre les mains, enfin. Merci à la collaboration Europe 1 et Universal. Trois extraits qu'on va écouter de ce Musicorama, Coupe de Charlie, Jeune homme et Entre mes mains. Ne se mange pas la même vie depuis déjà longtemps. Faisons alors une course et à travers tous les pays, celui de tes deux qui gagnera épousera le fait. Couple vie Charlie, il te gagnera, ne te retourne pas. A couple vie Charlie, il te gagnera, la vie sera pour toi. Qui attirait les regards, il croyait bien que son argent achèterait l'amour. Il avait déjà ouvert à les portes de son palais pour recevoir les jolis yeux verts de mademoiselle C. Couple vie Charlie et tu gagneras, à ne te retourne pas. Couple vie Charlie et tu gagneras, à la vie sera pour toi. Charlie n'était pas si riche que Jean. Il n'avait jamais de beaux habits et courait les pieds nus. Il connaissait le pays, les forêts et les cours d'eau. Et le vent qui était son ami lui soufflait dans le dos. Couple vie Charlie et tu gagneras, à ne te retourne pas. Couple vie Charlie et tu gagneras, à la vie sera pour toi. À la vie sera pour toi. Oui, la fille sera pour toi. À la fille sera pour toi. À la fille sera pour toi. un enfant. Dernier extrait du Port Bacarès 1969 qu'on aura à la fin du mois de mai, le 31 mai. Espérons toujours que ce sera d'actualité. Voici Jeune homme. Jeune homme, tu parles comme un homme. À toi que t'as vécu mille ans et plus. Jeune homme, tu parles comme un homme. À toi que dans la vie, t'as dû taper. Jamais l'été. Si tu savais ce que je sais, ah. Jeune homme, tu parles comme un homme. Ou à croire que t'as tout vu, que t'as tout lu. Oui, que sais-tu, des bateaux qui sombrent dans la nuit. Et que sais-tu, des guerriers qui a peur de l'hiver. Oh oui, que sais-tu, des milliers de gens qui souffrent aujourd'hui sur la terre. Si tu savais ce que je sais. Il te faudra te souvenir, oh, je demande de respecter les hommes, d'être digne de vivre et de mourir. Wow! Johnny Hallyday sur Europe 1. C'était pour ma caresse, tout à fait. Voici Johnny Hallyday à l'instant à Cambrai, au Kermesse de la Bêtise en 1970. Et Jésus-Christ. Avec un regard bleu qui plane. Jésus, Jésus-Christ, Jésus qui est taillé. Poncho mexicain sur le dos, autour de son front un manteau. Il est né à San Francisco. Jésus, oui, Jésus-Christ, oui, Jésus-Christ est taillé. Dans les parcs et le long du dock, il vit dans un sac de couchage. Qui soignait les blessés. Jésus, oui, Jésus-Christ, oui, Jésus-Christ est taillé. Son père s'appelait Joe, je crois. Sa mère s'appelait Mary, je crois. Mettrons notre ami en croix. Jésus, oui, Jésus-Christ, Jésus-Christ est taillé. Jésus, oui, Jésus-Christ, Jésus-Christ est taillé. Golf de Roux avec Sylvie, que le rocker a fêté ses 30 ans. Je ne vois pas le temps passer parce que je fais un métier où je suis tout le temps sur les routes avec mon orchestre, déclare à François Jouffa et à Jacques Barsamian Johnny, qui ajoute, je le cite, de toute façon pour moi, 30 ans, cela ne veut rien dire. Et par amitié pour Bruno Cocatrix, qui lui avait confié vivre une fin de saison difficile sur le plan financier, Johnny Hallyday accepte de chanter gratuitement à l'Olympia pendant 5 jours. J'avais l'intention d'aller me reposer, mais ce n'est pas grave, je chanterai pour toi, promet-il à Bruno Cocatrix, à qui il demande de ne payer que ses musiciens. Un nouveau beau mouvement de Johnny qui se solde par un nouveau triomphe. Je m'appelle Jean-Philippe May, je suis né à Paris. Vous connaissez mieux ce nom de Johnny. En son de Jean 1943, je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Je suis né dans la rue, dans la rue. Je suis né dans la ville où les murs sont aujourd'hui. Derrière un tir à vague où se trouve l'étonné. Dans un berceau de fer, je devais grandir. le soir. Et bien souvent ma mère travaillait pendant la nuit. Je jouais de la guitare assis sur le trottoir. Le cœur comme une pierre, je commençais ma vie. Je suis né dans la rue. Dans la rue. Hey! Émission spéciale Musicorama Europe 1 qui retrace en gros John Hallyday, les concerts de John Hallyday de 1961 jusqu'à 1974. Et là, nous sommes actuellement à l'Olympia le 20 juin 1973. Un concert qui est déjà sorti en CD. On le retrouve également dans le coffret John History 1961-2000. Thank you. déjà trop tard. Mais je ne dis c'est voyage, non pour rien, car tout change et tout casse, et tout casse, et tout casse. Le désir, le plaisir, c'est vivre. Tout change, tout casse, tout passe, tout lasse. Le désir se dilue dans l'espace. Je dis ce voyage, en voyant maintenant, maintenant capé dans vos mains. À l'Olympia, c'était l'extrait d'un musicorama d'Europe 1 enregistré le 20 juin 1973. Nous sommes à Marseille à présent. Le 7 juillet 1973, duo inédit, du moins sur ce titre-là, Johnny et Sylvie qui chantent Vivre, la reprise de Fever. L'amour commence et l'enfuit du bras. Je veux s'en vivre. On quitte à présent Marseille pour aller du côté de Cambrai. En 1974, on retrouve Johnny Hallyday le 6 septembre. Donc, c'était enregistré par Europe 1. J'espère que nous aurons prochainement une piste audio, hein. Une bonne capture de ce produit-là. Voici, c'est la dernière musique, dernier titre de cette émission spéciale Musicorama Europe 1. Voici la musique que j'aime sur Johnny de A à Z. Ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des mains noires me donnaient l'âge. Pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu. Quand même, c'est ma Ainsi s'achève cette émission spéciale Musicorama ici sur Johnny de A à Z. Merci encore à tous d'avoir participé, d'avoir écouté cette émission. Il y a eu une petite coupure pour ceux qui ont suivi ça en direct, mais la coupure ne sera pas pour, en principe, pour le vrai podcast. En fin de compte, je vais le reposter et vous aurez l'intégralité de cette émission. Merci encore à toutes et à tous d'écouter cette émission du Mets de A à Z pendant ce confinement. On se retrouve mercredi à partir de 17h, toujours ici, sur du Mets de A à Z, sur RIG. Non, pas RIG, mais à la maison. À bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao!